Vous me donnez une furieuse envie de savoir la vérité. J'irai demain chez Madame de Restaud, s'écria Eugène. Oui, dit Poiret, il faut aller demain chez Madame de Restaud. Vous y trouverez peut-être le bonhomme Gorillot, qui viendra toucher le montant de ses galanteries. Mais, dit Eugène avec un air de dégoût, votre pari est donc un bourbier. Et un drôle de bourbier, reprit Vautrin. Ceux qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes gens. Ceux qui s'y crottent à pied sont des fripons. Ayez le malheur d'y décrocher n'importe quoi, vous êtes montré sur la place du palais de justice comme une curiosité. Voler 1 million, vous êtes marqué dans les salons comme une vertu. Vous payez 30 millions à la gendarmerie et à la justice pour maintenir cette morale-là. Joli. Comment ? S'écria Madame Vauquet. Le père Gorillot aurait fondu son déjeuner de vermeil. N'y avait-il pas 2 tourterelles sur le couvercle ? Dit Eugène. C'est bien cela. Il y tenait donc beaucoup. Il a pleuré quand il a eu pétri l'écuelle et le plat. Je l'ai vu par hasard, dit Eugène. Il y tenait comme à sa vie, répondit la veuve. Voyez-vous le bonhomme, combien il est passionné, s'écria Vautrin. Cette femme-là, c'est lui chatouiller l'âme.